une œuvre, Odilon Redon ou la quête de la fleur de sang, une émission de Claude Métra, réalisée par Claude Giovannetti, première diffusion le 23 juillet 1992 sur France Culture. À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères, enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Au sourire de France Culture. Vivez avec France Culture. Savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Michael Edwards se revisite, dans son cours consacré au génie de la poésie anglaise, le parcours souterrain de la poésie anglaise et de la poésie française. Comment faire autrement, puisque l'histoire, celle de la conquête normande au XIe siècle, a lié ensemble pendant des siècles le sort de ces deux poésies. Il y a donc ce qui les unit et ce qui les sépare. Explorer aujourd'hui au Collège de France les diverses formes d'utilisation littéraire des deux langues ne peut qu'enrichir et l'une et l'autre. Ainsi, en va-t-il de l'œuvre du poète John Gower, dont Michael Edwards nous a parlé hier. John Gower, qui écrivait en français, en anglais et en latin, était ami de Chaucer, l'auteur des Contes de Canterbury, et comme lui, très critique de la société anglaise de son temps. John Gower ouvre et influence une langue par l'autre. Son français était une forme de l'anglais, et réciproquement. Il inventait par exemple des accents qui permettaient de lire ses vers en les rythmant à la française ou à la manière anglaise. Michael Edwards autorise par cette enquête sur les langues la découverte de poètes inconnus, mais aussi la redécouverte de poètes trop connus et dont il nous montre la profonde originalité. C'est un des plaisirs du cours que nous entendrons ce matin. Les poèmes de Sir Thomas Wyatt furent publiés pour la plupart, 15 ans après sa mort, dans un recueil de 1557, dû à Richard Tuttle, et connu maintenant sous le titre Tuttle's Miscellany, mélange total. Cet entreprenant éditeur-imprimeur les conforma ou les fit conformer par un autre à la norme prosodique, à la régularité qui commençait à s'imposer. Voici la version qu'il donne de la première strophe d'un des poèmes de Wyatt les plus connus. Vous avez la version même de Wyatt copiée sur un manuscrit. La version régularisée commence ainsi. They flee from me, but sometime did me seek, with naked foot stalking within my chamber. Once have I seen them gentle, meek, tame and meek, but now are wild and do not once remember that sometime they have put themselves in danger to take bread at my hand, and now they range busily seeking in continual change. Que pourrait-on trouver à redire à ce rythme parfaitement uni, sauf qu'il est aussi un peu plat. Voici cependant le poème en entier, tel que Wilde l'écrivit. C'est la version que vous avez, avec la prononciation, avec la ponctuation ajoutée et l'orthographe modernisée quand la prononciation n'est pas en jeu. They flee from me that sometime did me seek with naked foot stalking in my chamber. I have seen them gentle, tame and meek, but now are wild and do not remember that sometime they put themselves in danger to take bread at my hand, and now they range busily seeking with a continual change. Thank it be fortune, it hath been otherwise, 20 times better, but once in special, in thin array, after a pleasant guise, when her loose gown from her shoulders did fall, and she me caught in her arms long and small, therewithal sweetly did me kiss, and softly said, dear heart, how like you this? It was no dream, I lay broad waking, but all is turned thorough my gentleness into a strange fashion of forsaking, and I have leave to go of her goodness, and she also to use newfangleness. But since that I so kindly am served, I would fain know what she hath deserved. Elle me fuit, qui autrefois me cherchait, se faufilant nu-pied dans ma chambre, je les ai vues douces, dociles, timides, qui sont maintenant farouches et ne se souviennent plus qu'elles se mettaient jadis en danger pour prendre du pain dans ma main et qui rôdent partout, cherchant sans arrêt et changeant sans cesse. Fortune soit louée! C'était mieux autrefois, plus de 20 fois, et une fois surtout, en toilette légère et manière plaisante, quand sa robe défaite de ses épaules glissa, et qu'elle me saisit dans ses bras longs et fins, qu'aussitôt, tendrement, elle m'embrassa et dit tout bas, mon cœur, cela vous plaît-il? Ce n'était pas un songe, j'étais bien réveillé, mais à cause de ma courtoisie, tout a changé, pour devenir la mode étrange de l'abandon. Sa bonté m'autorise à m'en aller, et lui donne le privilège de la versatilité. Mais puisqu'elle me traite si aimablement, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a mérité. Nous voyons bien dans ce poème anti-pétrarchiste où Wilde s'amuse à jouer ou se plaît à être réellement le mâle condescendant qui tient ses maîtresses pour des biches à apprivoiser et qui ironise à leurs dépens dès qu'elles usent avec lui de la même légèreté, qu'il est parfaitement capable d'écrire des pentamètres réguliers quand il le veut. L'attaque du poème dans le premier vers est vigoureusement et agréablement iambique. They flee from me that sometime did me seek. La délectation du souvenir au cours de la deuxième strophe, s'achève dans les iambes du vers 14. And softly said, dear heart, how like you this? Toute la force du poème vient cependant du rythme de ses accents qui se déploient non pas selon une structure répétitive mais selon les besoins expressifs de chaque moment. La plainte dans le vers, c'est vers la fin, into a strange fashion of forsaking, où l'idée drôle que les femmes abandonnent leurs amants en suivant les directives d'une nouvelle mode dépend en partie pour son effet du mot strange, étrange, et de l'allitération qui associe avec une sorte de justesse incongrue la vogue et l'infidélité, fashion, forsaking, perdrait sa saveur si les syllabes accentuées de strange et de fashion n'étaient pas juxtaposées. Le vers tel qu'il est standardisé par Tottel, into a bitter fashion of forsaking, est entièrement dénaturé, le jeu des accents ayant disparu et bitter, amer, à la place de strange, étant plutôt agressif que narquois. Tottel perd surtout l'érotisme raffiné du poème. Wilde ne mentionne que les pieds, les épaules et le bras. Mais de façon si poétique et suggestive que le lecteur imagine la nudité du corps. En régularisant le deuxième vers, Tottel laisse la rencontre des deux syllabes accentuées dans foot, stalking, mais en substituant within à in, il fait du temps fort puis du temps faible de stalking un simple trochet. Within, qui ajoute la syllabe qui manquait du point de vue des règles et qui semble presque insignifiant comme changement, étouffe pourtant le rythme et estompe l'image se faufilant dans ma chambre. Le thin array, strophe 2, vers 3, thin array, la toilette légère de la jeune femme, peut rappeler pour nous le simple appareil de Julie dans Britannicus de Racine et l'indirection sensuelle avec laquelle Wilde l'évoque continue dans le modèle de la robe qu'il présente selon une délicieuse litote comme pleasant, agréable. C'était évidemment une robe particulièrement sexy. Tout se dissipe lorsque Tottel réécrit ainsi le vers suivant. When her loose gown did from her shoulders fall. Ça, c'est la version de Tottel. When her loose gown did from her shoulders fall. En déplaçant le mot did, il dit simplement ce qui se passa. Alors que Wyatt fait tomber effectivement la robe dans le rythme voluptueux et descendant de ses dactyles. When her loose gown from her shoulders did fall. Il ne s'agit pas de regretter simplement l'impatience d'un éditeur ou les oreilles ensablées de son complice. Dès que la régularité métrique s'installe, et surtout si elle produit des chefs-d'œuvre, elle risque de rendre inaudibles d'autres façons d'écrire. Tottel se trompe sur Wyatt en 1557. George Patenham, dans son Art of English Poetry, Poesy, l'art de la poésie anglaise de 1589 se trompe sur Langland, dont le maître lui semble lâche. Beaucoup se trompent maintenant, me semble-t-il, sur Wyatt et sur d'autres, parce que l'habitude de la régularité rend difficile la lecture d'une poésie qui mouvemente l'anglais de manière inattendue. La poésie accentuée et allitérée, la poésie telle que l'écrivaient les anglo-saxons, continuait pourtant, ici et là, pendant le XVe siècle, jusqu'au Scottish Field, la bataille écossaise de 1513, et on sait que Donne, par exemple, et Hopkins, en cherchant une autre sorte de vers, ont été mal compris. Il serait temps de regarder à nouveau, d'écouter avec une autre oreille toute la poésie qui sépare Chaucer à la fin du XIVe siècle et les grands élisabétains à la fin du XVIe, poésie que l'on traite le plus souvent d'indisciplinée et d'inculte, mais qui expose peut-être au contraire notre inculture. À l'époque même de Wyatt, on commençait à chercher une autre musique. Rien n'illustre mieux la différence entre son rythme accentué et constamment inventif et la nouvelle mélodie continue et au départ un peu grêle qui allait le remplacer que les traductions d'un même sonnet de Pétrarque, le poème 140 du Canzoniere, par Wyatt et par son jeune ami Henry Howard, comte de Surrey. Voici Wyatt, c'est le deuxième poème du polycopier. The long love that in my thought doth harbour, and in mine heart doth keep his residence, into my face presseth with bold pretense, and therein campeth, spreading his banner. She that me learneth to love and suffer, and will that my trust and lust's negligence be reined by reason, shame, and reverence, with his hardiness taketh displeasure. Wherewithal into the heart's forest he fleeth, leaving his enterprise with pain and cry, and there him hideth and not appeareth. What may I do when my master feareth but in the field with him to live and die? For good is the life ending faithfully. Le long amour qui prend quartier dans ma pensée et fixe dans mon cœur sa résidence, paraît sur mon visage avec témérité, y dresse ses tentes et déploie son étendard. Celle qui m'apprend à aimer, à souffrir, à vouloir que ma confiance et mon désir oublieux soient restreints par la raison, la honte et le respect, s'offense de son audace. Il fuit aussitôt dans la forêt du cœur, abandonnant tout, en peine, avec des cris, et il s'y cache, et ne se montre plus. Que puis-je faire quand mon maître a peur, sinon vivre ou mourir sur le champ avec lui, car la vie est bonne qui finit fidèle. C'est Wyatt qui introduisit le sonnet en Angleterre. Mais pourquoi? Peut-être au fond, parce que le fait de traduire et de recréer une forme si compacte lui permettait d'analyser avec précision son écoute de l'anglais. Et parce que l'introspection de Pétrarque ou de son personnage, qui n'est pas celle de Wilde dans ses propres sonnets d'amour, où les lamentations de l'amant courtois sont remplacées par les déclarations d'indépendance d'un machiste assez combatif, cette introspection l'incitait à approfondir pour lui-même la réalité du désir. Sur le plan technique, on pourrait penser que dans les vers 1 et 2, le mot « das », qui représentait à l'époque une des formes de la troisième personne du singulier, « he das habe » ou « he haberes », il prend quartier, « he das keep » ou « he keepeth », il fixe, on pourrait penser que ce mot « das » n'était présent que pour remplir le maître, avant de comprendre que cette version allongée du verbe prépare le drame des vers 3 et 4, où la brièveté de « presseth » et « campeth » paraît et dresse ses tentes, traduit la témérité de l'acte. En réalité, le flux érotique du sang dans les joues et le danger qui fait courir. Puis, devant la beauté régulière des endécasyllabes de Pétrarque, Wilde choisit de placer certains pentamètres orthodoxes. Les vers 2, 7, 10 et 13. Vers 2, par exemple, « And in my heart doth keep his residence », afin de faire valoir, par le retour de ce rythme plus clair, la force des rythmes autonomes et non répétitifs qu'il accueille. Quant à la psychologie de l'amour, Wilde change le sonnet de Pétrarque afin de la renouveler. Dans son premier vers, « Amor, quel est le penser mio vive et règne », Pétrarque parle de l'amour qui vit et qui règne dans sa pensée. Le long amour de Wilde, loin d'être du remplissage, souligne la présence continue et indésirable du désir, comme prend quartier en ajoutant un nouvel élément à la métaphore militaire de Pétrarque, ajoute aussi l'idée d'être possédé au plus profond de soi par une force envahissante et indéniable. Si l'amour de Pétrarque, c'est-à-dire le dieu amour, Eros, effrayé par la réaction de l'or, fuit al core, au cœur, l'amour de Wilde se réfugie dans la forêt du cœur. Le travail de la traduction devient en acte l'œuvre de la poésie. L'image de la forêt surgissant de je ne sais où pour suggérer l'obscurité et la complication du désir, la nature autre de cette chose enfouie en nous-mêmes. Si l'or s'indigne, dit Pétrarque, de nostro ardir, de notre ardeur, de celle à la fois du jeu, du poème et de l'amour, la dame de Wilde s'offense de his hardiness, de son audace, de l'effronterie, non pas de Wilde, mais de l'amour seul, de cet être étranger et souverain qui semble exister distinctement de celui qui l'abrite. Même le cri, vers 10, soudain et audible de l'amour apeuré, de Wilde, qui renchérit sur les gémissements de l'amour de Pétrarque, augmente la distance entre le désir et l'esprit qui en prend conscience. Wilde se sert de ces versions de Pétrarque, dont il traduit ou adapte au moins 18 sonnets et 3 canzoni, pour explorer, entre autres choses, le pouvoir aliénant du désir et pour trouver des possibilités rythmiques dans l'anglais très éloignées des rythmes de l'italien original. Voici en revanche le début de la traduction de Surrey. La traduction de Surrey du même poème. Love that doth reign and live within my thought and built his seat within my captive breast, clad in the arms wherein with me he fought, oft in my face he doth his banner rest, but she that taught me love and suffer pain, etc. Je ne m'attarderai pas sur l'infériorité de ce texte, car, curieusement, elle n'a pas d'importance. Surrey n'essaie pas, comme Wilde, de vivre l'original au plus profond de lui-même. Et ces « doth », ces « within » ne servent qu'à avancer agréablement ses vers. Le pentamètre se laisse facilement composer, son ondulation demeurant assez proche des rythmes de l'anglais parlé. Et l'on sent chez Surrey une aisance parfois superficielle. L'intérêt de cette traduction se trouve plutôt dans le travail de menuiserie de Surrey, dans la régularité impeccable de ses vers, dont certains commencent pour varier le plaisir de l'oreille par un trochet, « love that », « clad in », etc., et qui ont tous une légère coupe après le quatrième syllabe. « Love that doth reign and live within my thought », etc. Le décasyllabe français prouvait longtemps le besoin d'une telle coupe afin de structurer une suite de sons que la grande discrétion accentuelle du français pourrait rendre molle. Le pentamètre iambique ne s'en est jamais fait une règle, mais je note que la division 4-6 revient souvent et qu'elle crée une musique séduisante à force de paraître naturelle. Enfin, si Wilde avait déjà inventé pour tous ses sonnets le distique final, bien connu grâce à Shakespeare, qui représente une des spécificités du sonnet anglais, c'est Surrey qui trouva la forme entière du sonnet shakespearien, élisabétain, 3 quatrains et un distique rimant AB, AB, CD, CD, EF, EF, G, G. Il faudra se demander pourquoi, selon quel principe de notre langue et de notre poésie, le sonnet anglais transforme si complètement le sonnet italien, qui est passé sans beaucoup de modifications en France, comme en Espagne et ailleurs. Et je le ferai dans un autre cours. La traduction de Surrey est surtout claire et à sa façon élégante. Dans sa traduction des livres 2 et 4 de l'Énéide de Virgile, Surrey inventa également les vers blancs, les pentamètres iambiques sans rime, dont l'importance pour la poésie anglaise est au moins aussi grande que celle du sonnet. Si Wilde utilisait Pétrarque à ses propres fins, en résistant aux poètes étrangers, comme il résistant à la coulée qu'il ne devait pas trouver assez nerveuse du pentamètre iambique, Surrey cédait, mais à l'anglaise, aux mélodies régulières de Pétrarque et de Virgile, sans du tout atteindre les harmonies qui les enrichissent, mais en laissant à ses successeurs des formes utilisables. Et ce n'est pas qu'il importa en traduisant ce qui n'existait pas encore dans la poésie anglaise. Il inventa pour la poésie anglaise ce qui n'existait pas non plus dans les poésies italiennes et latines. Malgré l'infériorité intrinsèque de son œuvre, c'est Surrey qui représente l'avenir et que l'on entend chez Sidney ou chez Spencer. Il est vrai que devant la musique de la Reine des Fées de Spencer ou des Vers blancs de Marlowe, nous pouvons nous dire que Surrey ne nous est peut-être pas absolument essentiel, alors que Wilde, par la valeur de son œuvre, mais aussi par le travail qu'il a effectué sur les accents, sur l'attente continue provoquée par leur distribution imprévisible et sur l'énergie créée par leur juxtaposition, travail qui rappelle la poésie anglo-saxonne, la Yarmouth ou l'Anglang, Wilde est toujours là pour parler aux poètes et aux lecteurs de maintenant de cette autre vertu de la poésie anglaise qu'il faut constamment redécouvrir. Après les accents de Wilde, c'est la musique qui prévaut dans la poésie élisabéthaine. Et avec Sidney, Spencer, Marlowe, Shakespeare et tant d'autres, cette musique naît d'un battement régulier du vers que l'on sent au fond du poème, même lorsque le poète cherche, comme Shakespeare le fera de plus en plus dans son théâtre, à le varier de toutes les façons possibles. Ce n'est pas que les poètes obéissent aux règles, comme s'ils leur reconnaissaient une autorité absolue, préexistante au poème et irradiant du cerveau d'un grammairien législateur, et que tout écart constituât une maladresse ou une licence poétique à blâmer ou à tolérer. Cette pulsation égale, généralement mais pas exclusivement iambique, ils la choisissent comme facilitant la musique proposée par le rythme même de la langue anglaise. Voici un poème de Sir Philip Sidney, le cinquième d'une suite de sonnets, Astrophile et Stella, dont le point de départ est encore une fois le Canzoniere de Pétrarque, et qui fut publié après la mort de Sidney en 1591. C'est le troisième poème du Policopier. It is most true that eyes are formed to serve the inward light, and that the heavenly part ought to be king, from whose rules who do swerve, rebels to nature, strive for their own smart. It is most true what we call Cupid's dart, an image is, which for ourselves we carve, and fools adore in temple of our heart, till that good God make church and churchmen starve. True, that true beauty virtue is indeed, whereof this beauty can be but a shade, which elements with mortal mixture breed. True, that on earth we are but pilgrims made, and should in soul up to our country move. True, and yet true, that I must Stella love. Il est très vrai que les yeux existent pour servir la lumière de l'âme, et que la part céleste devrait régner, que ceux qui s'écartent de ces lois, rebelles à la nature, cherchent leur malheur. Il est très vrai que le dard de Cupidon n'est qu'une image que nous taillons nous-mêmes et adorons insensée dans le temple du cœur. Ce Dieu bon affamant l'Église et les chrétiens. Vrai que la vraie beauté est en effet la vertu, dont cette beauté ne peut être qu'une ombre formée par les éléments dans un mélange mortel. Vrai que sur terre nous ne sommes que pèlerins et devrions dans l'âme monter vers notre patrie. Vrai, mais vrai aussi qu'il faut que j'aime Stella. La puissance du poème, qui permet à l'angoisse d'astrophile de s'approfondir, mais aussi de se transcender en devenant éloquence et chant, vient de la mise en œuvre des ressources rythmiques de la langue grâce non pas à une conformité quelconque à des règles, mais à l'écoute tendue des lois d'une certaine harmonie. L'idée ne viendrait pas plus à Sydney d'écrire de façon irrégulière qu'à Ronsard ou à Dubélé de déranger leurs alexandrins ou décasyllabes ou de fausser leurs rimes. Les 14 vers du sonnet, la distribution des rimes, le compte des syllabes, tout ce travail qui peut paraître mécanique est nécessaire à la naissance de l'émotion du poème et à la musique dans laquelle elle s'accomplit. Cela est sans doute évident. Si j'insiste, c'est parce qu'une certaine poétique moderne voit dans la forme non pas un possible, mais un obstacle. Sydney écoute également les suggestions de la rhétorique, dans laquelle cette même poétique voit l'ennemi de la poésie. Par exemple, son sonnet est structuré comme un argument. Chacun des deux quatrains commence « It is most true », il est très vrai. Chacun des tercets « true », vrai. Et le dernier vers, après avoir accepté tout l'immense poids de l'argument, « true », propose néanmoins une contre-vérité, « and yet true », mais vrai aussi que. Sydney a-t-il tort d'écrire sous l'influence de la rhétorique? Mais les contes de Cantorbéry commencent par une structure syntaxique comparable. When, then, quand, alors. Et il suffit de sentir la détresse d'Astrophile et la gravité de son asservissement au désir pour éprouver à la fois dans l'esprit et dans l'oreille la pression de cet argument. Et pour comprendre que la rhétorique est ici entièrement au service de la poésie, de la situation à comprendre, de l'émotion à faire naître et de la musique à former. Sydney fait preuve aussi de beaucoup de virtuosité que certains prendraient pour la marque même de l'antipoétique et qui peut l'être en effet si elle fonctionne à vide. Les rimes des deux quatrains se déroulent sur le même son vocalique selon la prononciation de l'époque. Save à la fin du premier vers et soive à la fin du troisième, rimant parfaitement avec cave et starve et assonnant avec part, smart, dart et heart. Indeed, shade, breed et made partagent ensuite le D de la rime. Et quoi de plus sérieux, de plus musical et de plus poétique que cette répétition implacable, cette accumulation insistante de sons accompagnant la reconnaissance progressive par Astrophile de sa terrible folie. avant que les véludistiques, en rappelant les quatrains, ne l'enferment dans son dilemme. Cette virtuosité poétiquement motivée n'a rien de spécifiquement anglais, et relire par exemple « Harmonie du soir » de Baudelaire, avec ses rimes recherchées, « Encensoir, reposoir, ostensoir », et ces vers qui se répètent dans un langoureux vertige, devraient convaincre de la compatibilité, dans n'importe quelle langue, de la poésie vraie avec un brio formel. La musique fondamentale du sonnet provient cependant de la régularisation de la frappe iambique de l'anglais, comme sont très anglaises les diverses exploitations et variations du rythme ainsi créé. On peut noter, par exemple, l'enjambement, qui permet de suggérer, entre le premier vers et le deuxième, que les yeux ont été formés pour servir, absolument, avant de préciser l'objet de leur service. On peut noter surtout l'art étonnant des accents. Lorsque l'accent tombe sur « honte » de vrai, au début du troisième vers, après un autre enjambement qui sert à le mettre bien en valeur, c'est en partie en vue de cette variante commune dans le pentamètre qui permet non seulement de commencer par un crochet, mais de faire une petite phrase musicale qui semble en partie, à cause de sa différence, toujours agréable. Fort, faible, faible, fort. Honte to be king. Mais honte est souligné avant tout pour renforcer l'argument qu'Astrophile dresse contre lui-même et pour en augmenter l'émotion que nous l'imaginons sentir. L'accent qui tombe sur le mot « true », vrai, au début de chacun des tercets, a le même effet. Et tout culmine dans les deux derniers vers. En appuyant sur le mot « up », littéralement vers le haut, dans « and should in soul up to our country move », et devrions dans l'âme monter vers notre patrie, Sidney fait de la cinquième syllabe un temps fort, crée un noyau d'énergie en juxtaposant les accents de « soul » et de « up » et parachève le désarroi d'Astrophile devant le fait que c'est le chemin vers le haut et vers le réel qu'il devrait suivre et ne suit pas. En appuyant enfin sur le mot « must » dans le dernier vers, « true and yet true that I must Stella love », vrai mais vrai aussi qu'il faut que j'aime Stella, il ajoute un accent, il crée encore plus d'énergie en martelant successivement trois temps forts, « I must Stella », et il reconnaît avec Astrophile la nécessité psychologique qui a sa propre vérité et qui lutte avec acharnement contre la vérité théologique et platonicienne. En écrivant « must Stella », Sidney utilise en outre au paroxysme de l'idée et de l'émotion la vigueur consonantique de l'anglais, comme il l'avait fait dès le premier vers, « most true ». Ce sonnet n'est pas simplement le millième poème sur le conflit entre l'amour et le devoir. Sidney s'intéresse au sophisme du désir, à la promotion de la vie intérieure en une valeur qui fait du cœur un temple et qui nous incite à idolâtrer ce que nous sentons. En analysant notre complaisance dans l'irréel, dans l'image que nous créons nous-mêmes, il fait réfléchir sur un aspect redoutable de tous les romantismes. En tant que poète, il écoute la musique du pentamètre et du sonnet, mais s'il s'éloigne radicalement de la poésie de Wilde, et s'il semble écrire dans un autre monde sonore que celui de la poésie anglo-saxonne, les points forts de sa lente élaboration d'un savoir ému viennent néanmoins de son maniement magistral des accents de la voix. Le grand musicien de l'époque, parmi les poètes, c'est cependant Spenser. Son Prothalamion, publié en 1596, commence ainsi. C'est le quatrième poème du Polycopier. Calm was the day, and through the trembling air, sweet breathing Zephyrus did softly play, a gentle spirit that lightly did delay hot Titan's beams, which then did glister fair, when I, whom sullen care, through discontent of my long fruitless stay in prince's court, and expectation vain of idle hopes, which still do fly away like empty shadows, did afflict my brain, walked forth to ease my pain along the shore of silver streaming Thames, whose rutty bank, the which his river hems, was painted all with variable flowers, and all the meads adorned with dainty gems, fit to deck maidens' bowers and crown their paramours against the bridal day, which is not long. Sweet Thames, run softly till I end my song. Calme était le jour, et Zéphyr à la suave haleine caressait mollement l'air frémissant d'un souffle tendre qui adoucissait les scintillants rayons de Titan l'embrasé, quand moi, dont un ennui chagrin par le déplaisir d'un long séjour inutile à la cour princière et par l'attente illusoire d'espérances vaines qui s'envolent toujours, telles des ombres vaines, affligeaient la pensée. Je me promenais pour soulager ma peine le long de la Tamise aux flots argentés, dont la rive raboteuse, qui ourle le fleuve, était toute pleine de mille fleurs, comme les prés étaient parés de rares joyaux, dignes d'orner les tonnelles des jeunes filles et de couronner leurs amants en vue du jour des noces qui approche. Coule douce Tamise, le temps de ma chanson. Dans la préface de son édition de Shakespeare de 1765, Samuel Johnson soutient que ce sont Shakespeare et Spenser qui, je cite, « découvrirent les premiers, jusqu'où l'on peut adoucir l'anglais vers le lisse et l'harmonieux. » Et qu'il est curieux de lire après Wilde cette poésie nombreuse dont la coulée mélodique, avec son mouvement uni et l'absence de ces heurts vigoureux que la nature accentuée et consonantique de l'anglais rend presque inévitable, peut rappeler la musique de la poésie française. Spenser est le prince de ces poètes anglais qui cherchent à renouveler et à perfectionner la poésie en observant le compte et en sondant la valeur des syllabes. Et son oreille, en écoutant la hauteur, l'intensité et la durée de chaque moment de ses vers, écoute aussi le sens qui se forme. Dans le dernier vers cité, qui revient comme un refrain, à la fin de chacune des 10 strophes, afin de tout réunir en imagination dans le cours tranquille du fleuve et l'écoulement paisible d'une langue devenue musique, la brève hésitation entre les deux T de Sweet Thames incite à savourer la douceur d'un fleuve aimé, l'assonance de Softly et Song ajoute aux échos et parfait la cadence du distique final, comme la disparition à la lecture du troisième temps fort du vers, du fait qu'il tombe sur le petit mot till, jusqu'à ce que, permet au refrain de couler comme la Tamise avec bonheur. Sweet Thames, run softly till I end my song. Et la musique n'existe pas uniquement pour elle-même. Elle participe d'une certaine vision du monde et de la poésie. La nature est présentée d'abord comme affectant les sens de celui qui en fait l'éloge, qui voit l'air étincelant, qui connaît sur sa peau la chaleur du soleil et qui sent les odeurs de la brise. L'allusion à Zéphyr est un rappel des premiers vers des contes de Canterbury, où Chaucer s'intéresse plutôt, cependant, à la nature en général, chaque bois, chaque lande, et à l'œuvre de la nature, à l'influence de la pluie, par exemple, loin sous la terre. La laine même de Zéphyr est suave, non pas pour Chaucer, mais pour les nouvelles pousses. Chez Spencer, la nature des poètes médiévaux commence à se modifier, à s'offrir comme un recours et comme un paysage. Elle s'associe en même temps à l'art. Les fleurs sont peintes sur les rives de la Tamise et elles se transforment en joyaux qui parent les prés et qui pourraient orner cet objet mi-naturel, mi-artificiel qu'est le pavillon de verdure. Nous sommes en effet à la Renaissance et nous pourrions penser que Spencer n'était pas sensible à la réalité même des présences naturelles, qu'il les voyait aussitôt en œuvre d'art en puissance, s'il n'y avait pas, entre autres choses, la Ratty Bank, la rive raboteuse, la berge sillonnée d'ornières. C'est même la première chose qu'il remarque. La trace du passage des voitures sur une rive peu esthétique, mais bien réelle. On entend soudain dans le mot Ratty, qui lui aussi manque d'élégance, le plaisir de Constable, exprimé dans une lettre de 1821, à se promener sur les rives de la Stour, le long des vieilles berges pourries et des pieux gluants. Et si la Ratty Bank est très anglaise, dans notre poésie, tout ce qui existe s'obstine à paraître, quel que soit le contexte, et même romantique, les premiers vers du poème font penser à Wordsworth. Parler du trembling air, de l'air qui frémit, et appeler surtout l'haleine de Zéphyr à spirit, en donnant au mot son sens étymologique de souffle, mais en disant toutefois esprit, c'est suggérer dès le début la rencontre dans le monde naturel avec une présence lumineuse. Dans les premiers vers du prélude, lorsqu'il se promènera dans une vallée de la région des lacs, Wordsworth recevra la bénédiction d'une autre douce brise, un peu plus que naturel. La différence, c'est que Spencer nomme Zéphyr et Titan, comme Chaucer nomme Zéphyr, personnifie Avril, et en évoquant le bélier, remplit le ciel des êtres du zodiaque. Spencer présentera les deux futurs mariés, qui sont le sujet du poème, comme deux signes éclatants de blancheur, descendant la Tamise vers les jeunes gens qui les attendent à Londres. Et les demoiselles d'honneur, par une double figure, comme une volée de nymphes. Ce sont les Daughters of the Flood. Aujourd'hui, le Collège de France avec Michael Edwards, titulaire de la chaire d'études de la création littéraire en langue anglaise. Réalisation Thomas Duterr, présentation Christine Bohémé. Culture vous présente Cinéma tout écran, Festival international du film et de la télévision à Genève, du 31 octobre au 6 novembre. Ça pétait dans tous les coins de la planète. Manifestation unique liant le cinéma et la télévision. Cinéma tout écran bouleverse les frontières et suscite le dialogue entre les différents supports de la création. Arte, chaîne invitée d'honneur, un hommage à Paul Verhoeven, un colloque sur le film politique aujourd'hui. Une compétition officielle et une sélection de courts-métrages, tels sont les grands rendez-vous de cette édition 2005. 11e Cinéma tout écran à Genève, du 31 octobre au 6 novembre, à retrouver dans les émissions de France Culture. Vendredi 4 novembre, en direct et en public de la Maison des Arts du Grütli, travaux publics à 18h. Lundi 7 novembre, Culture Plus, le débat à 21h. France Culture vous offre des places. Vos invitations au 32 30. Tapez étoile puis 23, 34 centimes d'euros la minute. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, ce sont tout d'abord les cérémonies religieuses en raison de la Toussaint. 9h05, orthodoxie. 9h30, service religieux de la Fédération protestante de France. 10h, la messe en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 11h, fiction feuilleton, grande et petite histoire de la comédie française, 1680-1799, le siècle des Lumières, par Maurice Levert. Un feuilleton écrit et conçu pour la radio avec des documents d'archives, des événements mis en récit ou en dialogue, incarné par les comédiens de la troupe actuelle de la comédie française. 7e épisode, Voltaire et Lequin. Enfin, 11h30, les chemins de la connaissance, cette semaine reviennent sur l'histoire sociale de l'Église, beaucoup moins étudiée que l'histoire des dogmes, de la théologie ou l'histoire de son influence culturelle. À l'heure où l'Église est agitée de questions concernant les vocations, retour sur l'histoire des prêtres avec Nicole Lemaître, professeur à l'Université Paris 1, auteur d'une histoire des curés parue aux éditions Fayard. Mais tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand. Bonjour à tous, bienvenue sur France Culture. Il est 6h59, le programme de ce 1er novembre 2005, avec un premier rendez-vous à 7h20, les enjeux internationaux consacrés aujourd'hui à l'Inde, l'indianité, sa nécessité et ses contradictions. Puis à 7h40, retour sur le jour où la France a dit non. C'est le titre d'un livre publié par Hervé Le Braz sur ce fameux 29 mai 2005, où la France a donc dit non au projet de constitution européenne. De nombreux livres reviennent sur l'événement ces jours-ci. C'est un signe parmi d'autres de son importance, du fait aussi qu'on n'en a pas encore fait le tour, que la dimension exacte de ce non au référendum est encore à mesurer et qu'on ne sait pas encore sur quoi, sur quel clivage nouveau il débouchera en termes politiques. On parle de tous ces sujets avec Hervé Le Braz, qui est donc démographe et qui publie en parallèle aux éditions de l'Aube un court texte où les questions de démographie justement trouvent toute leur force politique. Ça s'intitule « L'adieu aux masses, démographie et politique ». C'est un terrain peu exploité mais passionnant. « Et à 7h tout rond, la première édition du journal vous est présentée par Jean-Louis Crimon. Bonjour, trouver avant jeudi les voies de sortie dans un conflit en voie de garage, sinon vraiment en impasse, c'est la volonté de Bernard Brune, le médiateur nommé à la RTM, la régie des transports de Marseille en grève depuis 29 jours. Bernard Brune, que vous entendrez dans un instant. Ce n'est pas la révolution d'octobre, c'est tout simplement la révolte de novembre. À l'appel du mouvement Génération Précaire, les stagiaires entendent dénoncer l'existence en France d'un sous-salariat toujours disponible, grève symbolique aujourd'hui, rassemblement en début d'après-midi et toute une série d'actions tout au long du mois. Explication dans cette édition Florence Turm. Aux Nations Unies, le vote du Conseil de sécurité hier à l'unanimité de la résolution 1636 défendue par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. La Syrie va donc devoir coopérer à l'enquête internationale sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, correspondance de Philippe Bolopion. Enfin, en Pologne, Kazimierz Marcinkiewicz, désormais à la tête d'un gouvernement minoritaire conservateur, après l'échec des négociations avec les libéraux, pour mieux comprendre les enjeux et les difficultés du nouveau gouvernement polonais, Nabila Hamel a joint hier soir un confrère du quotidien de Varsovie, Gazeta Wyborcza, Konrad Niklewicz. Mais tout d'abord un mot de Clichy, sans tomber dans les clichés, la situation était plus calme hier soir, selon la préfecture du département. La police a néanmoins procédé à 12 interpellations consécutives à des incendies de véhicules et des feux de conteneurs. Plus tôt dans la journée, Nicolas Sarkozy avait promis un renforcement des effectifs policiers dans les quartiers difficiles pour lutter contre les violences urbaines. Enfin, les familles des deux adolescents électrocutés jeudi dernier dans un transformateur ont refusé de rencontré dans l'après-midi le ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy confond la fermeté réelle avec la fermeté télévisuelle, a simplement commenté le porte-parole du Parti Socialiste Julien Drey. À Marseille, le médiateur chargé de dénouer le conflit à la RTM devrait remettre ses propositions après-demain, mercredi. L'information a été donnée hier soir par le secrétaire CGT du comité d'entreprise de la régie des transports marseillais qui a précisé « Nous avons pu enfin exposer nos dossiers. Le médiateur nous a écoutés et nous avons évoqué tous les points importants. Selon Force Ouvrière, la méthode de l'expert en relations sociales se décompose en trois temps. » Lundi, j'écoute, mardi, je pense, et mercredi, je propose. On lui fait confiance, mais on fait quand même très attention, a déclaré le secrétaire général de FO tout en soulignant « Dommage qu'il faille 28 jours de grève pour pouvoir enfin discuter ». Recueilli à Marseille par Delphine Nougared, le sentiment du médiateur Bernard Brune. On va trouver une sortie de crise, c'est certain. Je trouve que les positions sont pas aussi contradictoires qu'elles le paraissent. Quand des gens sont vraiment dans une situation de conflit, il y a un moment où ils ont du mal à trouver le dialogue. Et donc, quand il y a quelqu'un qui se met au milieu et qui dit à chacun des deux côtés « Expliquez-moi, je comprends pas, est-ce qu'on peut aller plus loin, est-ce qu'on peut réfléchir un peu plus avant ?» Finalement, les idées sortent et les choses avancent. Si c'était simple, je serais pas là, hein. C'est un peu compliqué. Si vous pensez que jeudi on aura tout réglé, que tout le monde s'embrassera et puis que tout ça repartira tout seul, non. Mais qu'avant jeudi on ait trouvé les voies de sortie, j'espère bien, oui. Je suis là pour ça, hein. Bernard Brune, le médiateur à la RTM, la régie des transports marseillais, des propos recueillis par Delphine Lougared. Et puis sachez que les fédérations CGT, Force Ouvrière et CFDT menacent de déclencher une grève dans les transports urbains de toutes les villes de France à partir de jeudi en cas de réquisition des personnels de la régie des transports marseillais. Pour la RATP à Paris, les syndicats CGT, UNSA, CFDT et FO préviennent dans un communiqué commun diffusé hier lundi qu'ils prendront toutes leurs responsabilités sous toute forme en cas de réquisition de leurs collègues marseillais. Novembre sera peut-être le mois d'action des stagiaires, personnel invisible d'entreprises pas toujours transparentes sur la réalité des tâches et des statuts, des stagiaires qui se révoltent en effet et dénoncent au grand jour l'existence d'un sous-salariat toujours disponible. À l'appel du mouvement Génération Précaire, un rassemblement aura lieu en début d'après-midi à Paris, métro, école militaire. Il s'agit d'un appel à une grève symbolique et à une manifestation, première initiative d'une série d'actions qui doivent se dérouler tout au long du mois de novembre pour dénoncer la condition des stagiaires souvent utilisée de manière abusive. L'objectif étant d'obtenir l'inscription du statut de stagiaire dans le code du travail et le principe d'une rémunération minimale équivalente à 30% du SMIC, le salaire minimum. Florence Turc.